podcast studio dilettante. Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échecs, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander? Possible. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu? Oh, c'est super cool! J'ai envie de faire une partie! Bonjour à tous et bienvenue dans Ludologie. Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, pour cet épisode, on accueille... déjà, je suis avec Clem. Bonjour Clem. Bonjour. Et on accueille le Grumpf pour parler du fun dans la fonction de maître du jeu. Salut LG. Hello, hello. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditeurs, donc John Grumpf, auteur, illustrateur, éditeur, traducteur, graphiste, plein de choses, éditeur indépendant, voilà, en jeu de rôle. Toi du coup, de par ces multiples casquettes, t'as l'habitude d'être MJ, est-ce que tu peux nous parler un peu, comment toi tu décrirais ta pratique de MJ? Bon, ma pratique du MJ c'est en moyenne 2 parties par semaine. Généralement, ces dernières années, c'était essentiellement moi qui maîtrisais. Là, cette année, j'ai décidé de laisser un peu la main pour renouer un peu avec le boulot de joueur. Mais effectivement, c'est ouais, je joue toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Demain, j'ai une grosse partie de Rift qui est prévue avec 6 joueurs. Enfin, voilà, c'est donc on joue beaucoup et je maîtrise beaucoup. Eh bien, toi qui maîtrises beaucoup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des débutants qui aimeraient se lancer dans être maître du jeu? Le premier truc, je pense, c'est apprendre... C'est bête, mais même pour un débutant. Le premier conseil, je dirais, c'est même pour un débutant, c'est d'apprendre rapidement à lâcher prise. C'est-à-dire assez vite à ne pas chercher à contrôler le jeu. À se laisser surprendre par lui et à laisser les joueurs s'amuser et les personnages à réussir des trucs. Y a pas c'est un jeu, donc il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de performance, il n'y a pas de nécessité d'être bon. Il y a juste une nécessité de passer un bon moment avec les copains. Et ça veut dire que tout le monde doit faire des efforts. Donc les joueurs en premier doivent faire des efforts. Des gros efforts pour que ça se passe bien à table, mais le MJ doit aussi apprendre à, je pense, assez vite à laisser le jeu couler naturellement, à donner des victoires aux joueurs et aux personnages, à laisser le monde se transformer naturellement. Le monde ne doit pas être en dur sous prétexte qu'il a été décrit et organisé d'entrée de jeu et qu'on a une idée très précise de ce qu'on veut faire. Il ne faut pas hésiter à lâcher prise quoi, en permanence. Une comparaison que je fais souvent à celui de maître du jeu, c'est moi je suis enseignante et je conçois des séances pédagogiques où je donne un objectif, je prends en compte les compétences de mes élèves pour pouvoir les amener à un point particulier. Et du coup, je me demandais, n'ayant jamais été meneuse de jeu, est-ce que le fait de concevoir un scénario et une partie, ça se rapproche du rôle d'enseignant? Et sinon, comment toi, tu conçois en fait le déroulement d'une partie? Alors, c'est une question qu'on se pose souvent à la maison, parce que ma femme est enseignante elle-même, donc elle est prof en lycée, donc forcément, on a eu des fois des discussions sur ces préparatifs-là. Donc effectivement... Il y a Sébastien Delfino est très pour avoir un propos. Le MJ doit avoir un propos, c'est-à-dire qu'il doit avoir une idée d'une ambiance donnée, de ce qu'il veut, de ce qu'il doit amener, de ce qu'il veut raconter, comment il veut le raconter, etc. Ce qui amène forcément à des choix de mise en scène, à des choix de direction, donc à une préparation en amont de ce qu'il veut faire. Qui se rapproche pas mal justement effectivement de préparation de séances, etc. Moi je joue beaucoup plus libre, c'est-à-dire que comme j'improvise beaucoup, y compris d'ailleurs mes scénarios, des fois c'est juste une phrase écrite vite fait 5 minutes avant de commencer à jouer et puis c'est parti pour 4 heures de maîtrise, enfin 4 heures d'improvisation. Souvent le propos je le découvre au fur et à mesure en même temps que les joueurs. Je laisse venir comme ça vient. Aussi parce que j'ai pas le temps de préparer, j'ai souvent pas le temps du tout de préparer mes séances. J'ai besoin des fois d'arriver à la table de jeu en ayant une vague idée de la situation générale. Enfin, donc c'est ce qu'on appelle jouer en bac à sable. Donc il y a des dynamiques propres au contexte de jeu, propres à l'univers. Il y a des factions, il y a des figurants, il y a un certain nombre de problématiques qui sont posées. Y compris les problématiques des personnages eux-mêmes. Et puis derrière, on joue avec ça et puis on laisse le matériel se développer comme il se développe, quoi, sans se poser de questions plus que ça. Et donc à comparer de préparation de séance, même quand j'étais animateur, c'est pareil, on prépare des choses, on a des objectifs, on a des trucs à faire, il faut que les gamins à la fin d'une séance ils aient acquis un certain nombre de choses ou qu'ils aient fait un certain nombre de choses, qu'ils aient manipulé un certain nombre de choses. Il y a des MJ qui le font, moi pas trop en fait. Même en séance de test par exemple où je suis censé tester des trucs, si le scénario va pas dans cette direction là, si les actions des gens vont dans cette direction là, bah, c'est pas grave, on testera la fois d'après quoi. Ou alors ça veut dire que d'une manière générale, si à aucune séance de jeu on arrive à tester les règles en question, c'est qu'elles ne sont pas utiles pour ce jeu-là ou pour cet univers-là et que donc faut juste les jeter, quoi. Enfin, voilà. D'après toi, est-ce que être MJ, c'est du travail? Alors, si on prend la définition de Bernard Friot du travail libre, oui, bien sûr, c'est du travail. Tu peux nous parler de la définition de Bernard Friot du travail libre? Je peux très mal en parler. Disons que c'est la différence entre le travail inféodé, c'est pas inféodé, c'est le travail soumis à une autorité, et le travail libre, c'est le travail que tu fais pour toi-même. Par exemple, apprendre à jouer de la guitare, il prend souvent cet exemple-là, apprendre à jouer de la guitare, c'est un travail. C'est des heures et des heures et des heures, enfin, apprendre à jouer de n'importe quel instrument, en fait. C'est des heures et des heures et des heures à peiner, à suer sur son manche. Et tout le monde dit, ouais, non, mais c'est du loisir, c'est du plaisir. Oui, c'est du loisir, c'est du plaisir, mais c'est un travail. C'est quelque chose qui nécessite un apprentissage, qui nécessite d'apprendre un métier, en fait, enfin, au sens tout ce qui est contre l'emploi du capitalisme, mais qui est le fait que quelqu'un, par un processus, développe des capacités à faire des choses et une expérience à faire des choses. Et MJ, c'est ça. MJ, plus tu MJ-tises, plus tu te poses de questions sur la manière dont tu maîtrises, plus t'es confronté à des situations, plus tu apprends ton métier de MJ. Au sens métier, voilà. Donc c'est un travail, mais c'est un travail libre, puisque c'est d'autant plus vrai dans ton cas parce que t'es aussi MJ pour ton travail qui te permet de manger. Oui, puisque une grosse partie de ce que je fais jouer, c'est effectivement des trucs que ensuite je vais éditer ou que je joue très peu de choses du commerce parce que j'ai peu de temps pour ça, même quand j'en ai envie. Ou alors c'est vraiment sur des parce que mes joueuses ont fait des demandes très précises ou qu'on s'est mis d'accord sur voilà. Mais sinon il y a beaucoup de choses que je fais jouer, c'est du playtest ou c'est des trucs que je développe ou c'est des trucs qui vont me servir ailleurs. C'est quoi être maître du jeu? C'est poser des questions, répondre à d'autres questions. Après, moi, je peux donner ma définition de maître de jeu. C'est ta définition. Qui sera, pour le coup, est fortement discutable et discutée par plein de gens, y compris plein de copains. Moi, ma position de MJ, c'est d'être un canal neutre entre l'univers et les personnages. Ça, c'est ma définition. Ça, c'est la manière dont je maîtrise. C'est la manière dont j'aime jouer. C'est aussi des particulièrement ce que j'attends dans MJ quand je suis à la table. Le MJ, il est censé être le garant de la cohérence du jeu, de l'ambiance autour de la table, Et ça passe par le fait qu'il se fait l'interprète du moteur physique et social de l'univers de jeu, et qu'il se contente d'être logique et cohérent par rapport à l'univers. Si les personnages font telle ou telle chose, alors il y a des conséquences. Et ces conséquences, elles ne sont pas dictées par les lubies du MJ ou ses idées, etc. Elles sont dictées par l'univers. Ce qui veut aussi dire que même si tu es un MJ marxiste, mais que l'univers est plutôt fasciste, eh ben, tu auras des réponses fascistes. Enfin, si je peux aller dans la politique comme ça. Alors, bien entendu, il y a plein de choses qui vont colorer. Le MJ n'est pas forcément ultimement neutre, ou c'est compliqué d'être neutre tout le temps. Mais c'est quelque chose auquel on doit s'efforcer, enfin, de mon point de vue en tout cas. C'est ce que j'essaie de faire. On y réussit ou on n'y réussit pas, ça dépend des moments. Voilà. Après, le deuxième boulot du MJ, c'est que autour de la table, ce soit fun, rythmé, intéressant. Mais le premier boulot, c'est que le monde soit cohérent. Ce qui implique que si les joueurs, si les personnages accomplissent des choses bonnes ou mauvaises, alors il y aura des conséquences bonnes ou mauvaises. Ce qui veut dire que le monde doit pouvoir changer, se modifier, être détruit, être reconstruit. Il doit pouvoir y avoir des grandes victoires qui changent considérablement les rapports de force, etc. qui change même la cohérence du monde, au sens où on va aller vers d'autres choses, quoi. Bah, tu parles beaucoup de boulot, effectivement. Ça a l'air d'être énormément de choses à garder en tête. Du coup, en quoi c'est du jeu pour le MJ? En quoi c'est fun? C'est fun parce que le boulot, c'est fun. Enfin, je sais pas comment je peux dire, mais tout à l'heure, tu vois, je parlais de travail libre contre travail soumis. Enfin, tout ça, c'est du travail libre. Et le travail libre, c'est fun. Enfin, moi, je bosse 60 heures par semaine au moins sur mes bouquins. C'est à peu près le minimum. C'est le minimum parce que 10 heures par jour, c'est à peu près le temps que je passe à écrire, à dessiner, à imaginer, à penser. Donc il y a des semaines où ça va être sur les 10 heures en question, je vais peut-être avoir 3 heures où je vais être sur le dos dans mon canapé en train de faire la sieste, mais c'est 3 heures pendant lesquelles, même si je fais la sieste, c'est 2 heures plutôt, même si je fais la sieste, je me suis endormi en réfléchissant à une question et je me réveille en ayant une réponse. Ça marche souvent comme ça, quoi. Donc ça, c'est pour les boulots de conception. Quand tu es en écriture, tu passes des heures à pondre du texte et à réfléchir à tes formules, à relire, à faire des recherches, même à passer des heures sur la wiki et sur d'autres encyclopédies, à faire des recherches historiques ou techniques. En dessin, c'est pareil, on passe des heures et des heures et des heures à crayonner, puis à ancrer, puis à mettre en page, puis etc. Mais tout ça c'est du boulot fun. Donc le MJ, bien sûr, c'est du boulot, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail, c'est un métier. Enfin, c'est un métier au sens où tu développes un apprentissage et une expérience de la main et de l'esprit, qui est censé tendre à faire en sorte que tu sois meilleur à la partie suivante, même si des fois tu as des parties moins bonnes parce que t'es pas en forme, t'es fatigué, ceci cela, mais peu importe. Justement, le métier fait que même quand t'es fatigué, la partie sera pas trop pourrie parce que finalement t'as des capacités à mobiliser. Alors j'évite de parler de compétences parce que j'ai décidé d'arrêter de parler de compétences, qui est une saloperie capitaliste de merde, mais que je vais essayer de virer de tous mes jeux maintenant pour plein de raisons. On a un métier, et à partir du moment où on a un métier, on est effectivement comme en tant qu'MJ, oui, c'est du boulot, mais c'est du boulot fun. C'est du boulot dans lequel on s'épanouit, dans lequel qui mobilise l'intelligence, qui mobilise la créativité, qui mobilise les rapports sociaux, enfin la relation à l'autre, etc. Donc ça signifie aussi que le boulot du MJ, c'est de faire des efforts, mais le boulot du joueur est de faire des efforts aussi, parce que le travail est toujours un effort. Au sens au sens où il peut pas se faire de manière neutre. Enfin, je sais pas comment je peux dire. C'est pas quelque chose que tu peux faire dans l'abandon ou dans le laisser aller. Justement, le travail, c'est quelque chose dans lequel tu vas mobiliser ta main, ton esprit, dans lequel tu vas développer, innover, développer des solutions, essayer de trouver des problèmes, enfin te confronter à des problèmes et essayer de trouver des solutions pour inventer des choses. Et en tant qu'MJ, en tant que joueur, c'est la même chose. Si tu arrives de manière feignante, enfin au sens vraiment en bâclant les trucs, en prenant les choses par-dessus la jambe, etc., bah, c'est pas du boulot. Tu sais, c'est ce qu'on dit souvent. Enfin, attends, c'est pas du boulot, ça. Bah, c'est pas du boulot. C'est, voilà. Qu'est-ce que tu préfères entre être MJ et être joueur ? Alors, moi, j'aime vraiment bien être MJ. Parce que j'ai du mal à être joueur. Enfin, je sais pas comment. Alors, je suis pas un très bon joueur. Je suis pas un très bon joueur parce que d'abord, je suis un joueur envahissant. Je suis un joueur un peu exigeant aussi. Je suis un joueur qui pose des fois des problèmes au MJ parce que je cherche toujours à pousser les limites, à tester des trucs, à essayer d'avoir des solutions un peu innovantes ou un peu étranges. Des fois j'ai des personnages qui sont un peu trop violents ou trop ceci ou trop cela. Je me considère pas comme un très bon joueur. Et puis surtout, j'ai besoin. Je ne deviens un bon joueur qu'au bout de plusieurs séances de jeu sur la même campagne. Au moment où je commence à avoir mon personnage en main, etc. Ce qui correspond d'ailleurs beaucoup à aussi une autre conception que j'ai du personnage qui est le personnage pâte à modeler, à opposer au personnage à background, où on arrive avec 15 pages de background et on essaie de le caser en jeu. Quitte à casser la campagne ou le scénario, etc. Moi, je suis plus un fan des personnages pâte à modeler qui, grosso modo, leur background, c'est leurs trois premières séances de jeu, quoi. Ou les cinq premières séances de jeu. C'est le moment où, finalement, on le découvre tous ensemble et on invente au fur et à mesure ce qui est nécessaire pour sa vie, quoi. Joueur, c'est sympa. Mais MJ, il y a un truc en plus, parce qu'il y a du boulot en amont, il y a un peu de préparation, et puis on joue plus. Parce que quand t'es joueur, t'attends ton tour. Quand t'es MJ, t'attends pas ton tour, puisque ton tour c'est tout le temps. Il y a un côté fun, parce que c'est pas tellement qu'on est au centre de l'attention, mais on joue tout le temps. Puis on est tout le temps sollicité. En improvisation, avec des idées à la con, avec des joueurs qui jouent aussi mal que moi je peux jouer, mais c'est pas grave parce que eux ils ont le droit. Enfin, tu vois. Ok, ça t'est arrivé plusieurs fois de concevoir des jeux où il y avait une forme de brouillage de la frontière entre le travail du MJ, enfin ce qui est considéré traditionnellement comme le travail du MJ et celui des joueurs. Je pense à Oltre notamment, mais pas que. Il y a un certain nombre de rôles qui pour moi sont de l'ordre du MJ et un certain nombre de rôles qui sont de l'ordre du joueur, de la joueuse. Et puis il y a des choses au milieu qui, je dirais pas qu'on s'en tape, mais c'est pas très important. Notamment toute l'autorité narrative jusqu'à un certain point. Enfin, l'autorité narrative peut être l'autorité d'input en fait d'éléments dans l'univers. C'est quelque chose qui est de l'ordre, qui est quelque chose qui peut être au milieu de la table entre tout le monde. Les personnages, c'est de l'ordre des joueuses. L'univers et le dire l'univers, c'est-à-dire dire les conséquences d'une action, pour moi, c'est de l'ordre du MJ. J'ai beaucoup beaucoup de mal avec les jeux de type si je remporte l'opposition, c'est moi qui décris, si tu remportes l'opposition, c'est toi qui décris. J'ai beaucoup de mal avec ça. Par contre, j'ai pas de mal avec avec des jeux où vous êtes en soirée, première heure, qu'est-ce qui se passe, vas-y dis-moi ce qui se passe. Donne-moi des mots-clés, enfin, invente un truc, voilà des mots-clés, invente-moi un truc et on va improviser à partir de là. Vraiment le partage de l'autorité en tout cas de l'autorité narrative me dérange pas du tout. Sauf contrat précis et paiement quelque part de la chose, le MJ n'a pas le droit de toucher à mon personnage, n'a pas le droit de décider pour lui les actions qu'il va accomplir. Ou des choix que je dois faire dans mes décisions tactiques, etc. Et de la même manière, je pense que les joueuses n'ont pas à dire au MJ comment une situation, enfin quelles sont les conséquences d'une situation. Ils peuvent évoquer des choses, proposer des trucs, mais certainement pas avoir cette autorité-là. Tout le reste, si tu as besoin d'inventer des éléments de décor, des nouveaux figurants, des bouts d'histoire, des ceci, des cela, de réinventer des bouts de background pour ton personnage, etc. En avant, c'est rock'n'roll, quoi. Tu nous as parlé de différents modèles de jeu. Toi, qu'est-ce que tu penses des jeux sans MJ ? J'ai beaucoup de mal. J'en ai pas testé beaucoup. Mais à chaque fois, justement, il manque cette autorité de conséquence. Et quelque part, il manque cette autorité sur les personnages aussi. Enfin, bref, il manque des autorités. Tu vois, il manque à un moment donné. En fait, il manque un cadre pour moi dans les expériences que j'ai eues. Il me manque un cadre de référence et on est trop dans la négociation perpétuelle ou dans le chacun son tour, chacun a le droit de dire ce qu'il veut sans contrôle extérieur ou etc. Et très pensé aux réunions anarchistes où tout le monde doit lever la main en même temps pour être d'accord parce que sinon personne n'est d'accord. Mais l'un des problèmes dans les réunions anarchistes, c'est justement que sous couvert d'horizontalité, il y a des hiérarchies qui s'établissent. Oui, mais finalement, à la table de jeu, à ce genre de table de jeu, je pense qu'il y a aussi des hiérarchies qui s'établissent. Et c'est d'ailleurs un des boulots, encore une fois, je reprends le terme du boulot, du boulot du MJ, mais c'est un des trucs auxquels, par exemple, moi, je suis extrêmement attentif. C'est justement, c'est la régulation de la parole de jeu autour de la table, la distribution de la parole de jeu, enfin, la distribution de la parole tout court. C'est-à-dire, alors, c'est pas qui a le droit de parler quand, c'est tout le monde a le droit de parler. Mais c'est éventuellement le camp qui peut être important. Et puis surtout, c'est tout le monde a droit de parler sans être obligé de se battre pour avoir la parole. Alors que justement, t'as parfois des joueurs qui sont un peu envahissants. Oui, alors je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Ok, bon, alors tu gères le truc. Et puis tu passes à un autre joueur, puis là, t'as la joueuse qui fait oui, et au fait, je fais aussi ça. Non, c'est plus ton tour de parler, on gérera après. Là, il y a machin qui parle pas beaucoup, qui a une petite voix dans le fond de la pièce, qui ose jamais se mettre devant parce que c'est pas son caractère. Mais c'est à son tour de parler, et fais pas chier, quoi. Et c'est, pour moi, c'est justement, tu vois, c'est un des éléments que je retrouve pas forcément. Moi j'ai du mal avec les. Enfin, alors clairement j'ai du mal avec les story games, j'ai du mal avec les jeux sans MJ, j'ai du mal avec un certain nombre de structures de jeux. Pour des raisons que je ne sais pas identifier forcément, mais de la même manière que je n'aime pas tous les jeux de plateau. Il y a des jeux de plateau que j'adore, et puis des jeux de plateau qui me gonflent d'une vitesse. Voilà. Et en jeu de rôle, c'est pareil. Parce qu'il y a des structures de jeu qui sont intéressantes, enfin qui m'intéressent. Il y a des structures de jeu que je trouve pas adaptées à mes attentes et à mes besoins. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Enfin, si, intérieurement. mais j'en ferai pas état sur les ondes. Je voulais revenir sur le pouvoir qu'a le MJ sur la partie et sur les joueurs. Être MJ, c'est être meneur de jeu, c'est être arbitre de la partie, c'est distribuer la parole. Est-ce que MJ, c'est être mégalo ? Alors, c'est un gros débat. À la fois intérieur, c'est un truc qui... C'est Sébastien Delfino, il y a quelques années, qui m'a traité de tyran bienveillant. Enfin, qui m'a traité de tyran bienveillant. Et il avait juste fait ça pour me teaser un peu, juste pour s'amuser, mais sans que ça prête à conséquence. Et on en discutait il y a 15 jours... 3 semaines, et il s'est rendu compte que 4 ans plus tard, c'est quelque chose qui me travaillait toujours. et qui me pose des vrais problèmes et qui m'a amené à beaucoup réfléchir, enfin beaucoup, je sais pas beaucoup, mais à réfléchir sur justement le boulot d'OMJ et sur ce que j'essayais vraiment de faire quand je maîtrise, sur ce que j'essaie vraiment de mettre en place. Est-ce que effectivement je suis un tyran? Est-ce que le fait que parce que lui il a des approches, il amène un propos et puis il a des approches très ludiques du jeu. Et moi je suis beaucoup plus simulationniste, si on suit plus ou moins les vieilles rengaines GNS d'il y a super longtemps qui sont plus très valables. Mais disons que qui part du principe par exemple que le MJ n'est pas un tyran si il est obligé d'obéir à des règles aussi précises que celles auxquelles les joueurs sont obligés d'obéir. Donc ce qui correspond assez fortement par exemple à ce que peut faire une apocalypserie ou des choses comme ça. Moi comme je joue avec finalement assez peu de règles, enfin en dehors de règles purement tactiques ou de résolution purement tactique de situations concrètes, j'ai peu de règles concernant la gestion de l'univers de jeu, mais je m'efforce d'être cohérent et d'être juste. Mais alors justement, jusqu'où est-ce qu'on peut être, donc d'où le terme de tyran bienveillant, c'est-à-dire que finalement est-ce que jouer comme ça c'est être réellement juste, ou c'est être juste, enfin c'est être réellement effectivement au centre de l'organe de décision arbitraire, mais tempéré par oui, effectivement une bienveillance vis-à-vis du jeu, vis-à-vis des joueuses, vis-à-vis des personnages, vis-à-vis de l'univers, etc. Et à quelle mesure est-ce que cette question de l'arbitraire et du jugement et de l'occupation de la décision est réelle, ou est-ce qu'elle est juste supposée, ou est-ce qu'elle est c'est un truc super compliqué en fait, et qui est difficile à surtout, enfin c'est difficile surtout par rapport à soi-même, c'est difficile d'évaluer sa propre pratique en étant un peu objectif. Mine de rien, c'est compliqué. Et donc, c'est ce qui m'a amené à réfléchir vachement sur cette notion de canal neutre du MJ. Du fait que, voilà, t'es censé avoir une certaine neutralité. Enfin, d'exprimer l'univers, enfin, de parler pour l'univers. D'être juste un porte-parole. Ça, c'est la bouche de Sauron, mais voilà, c'est l'équivalent. T'es juste un porte-parole. Mais jusqu'où t'es juste un porte-parole ? À quel moment est-ce que toi, en tant qu'MJ, en tant qu'interface de l'univers, de l'histoire que tu as racontée, du scénario que tu as écrit précédemment ou que tu as été récupéré à droite à gauche, à quel moment cette interface devient captive de une sorte de tyrannie, justement. Enfin, voilà. Et c'est pas une question facile. Hein. Enfin, et c'est une question qui est en perpétuel renouvellement et qui n'est pas forcément toujours agréable. Hein. On se rend compte hein, quand à la fin d'une partie, on se dit « Ah putain, aujourd'hui... » Puis surtout que, objectivement, je l'ai été, un tyran bienveillant. Il y a 15-20 ans, j'ai des exemples de parties, plus de 20 ans même, j'ai des exemples de parties où j'ai été un gros con de MJ, clairement. J'ai pas écouté les personnages, j'ai pas ou les joueuses, j'ai pas fait attention à certaines choses, j'ai décidé arbitrairement de trucs, j'ai même pris l'autorité sur les personnages à certains moments, etc. Ce qui a amené des clashs, forcément. Et ça a amené à réfléchir à toute cette question de position par rapport... Mais là, tu parles de bienveillance, mais... On a aussi, y a une idée qui est très répandue dans le milieu, qui est celle du MJ, le fameux MJ sadique, qui maîtriserait pour faire souffrir ses joueurs, qui serait dans une position forcément d'antagoniste, voire punitive. Toi, c'est quoi ta posture par rapport à cette idée reçue qui, quand même, a vraiment, vraiment la vie dure ? Bah moi, j'ai souffert de MJ comme ça. J'ai beaucoup souffert de MJ comme ça quand j'étais ado, de petits cons qui faisaient n'importe quoi. Ça m'a amené à prendre à une époque de la distance avec le MJ, enfin avec le jeu de rôle, à faire autre chose, jusqu'à ce que. Et puis moi-même, n'étant pas très bon MJ à l'époque, je ne pouvais pas vraiment prendre la main non plus. Donc c'était compliqué, jusqu'à ce que je découvre qu'on pouvait me jeter autrement, qu'on pouvait faire du bac à sable. J'ai découvert les parties ouvertes au début des années 90, en 91-92, en expérimentant des trucs et en jouant en mode YOLO. Et puis après, moi j'ai essayé autant que possible justement de jamais être comme ça, d'écouter les personnages et puis de faire plaisir aux joueuses, quoi. Enfin, après tout, c'est un jeu social, c'est un jeu de société, c'est un jeu tout court. C'est un truc où on est là pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour passer du temps avec les copains. On n'est pas là pour faire chier le bourgnou, pour emmerder les gens. On n'est pas là pour se comporter comme un connard narcissique. Voilà, enfin, je veux dire, t'es pas censé t'installer à une table de jeu pour t'en prendre plein la gueule gratuitement et pour résoudre les problèmes psychologiques de ton MJ, quoi. Enfin, pas là pour ça. Et de la même manière que le MJ est pas là pour servir de mère poule à des joueurs des joueuses qui ont un pet au casque et qui savent pas se tenir à une table de jeu et qui ont des problèmes psychologiques, qui ont rien à faire à une table de jeu de rôle. Et nous, quand on avait problème au club de Rennes il y a longtemps, à chaque fois qu'on avait des nouveaux joueurs qui arrivaient et qui clairement étaient dangereux pour eux-mêmes et pour les gens, et nous on était assez matures pour commencer à être capable de les repérer, de comprendre les choses et tout ça, on leur disait d'arrêter, de faire autre chose. D'ailleurs, tu t'en rappelles d'un certain nombre peut-être, voilà. Effectivement, ouais, ça m'évoque des souvenirs, ouais. Voilà, et assez systématiquement, c'était moi qu'on envoyait pour au bout de quelques parties pour expliquer à la personne, non, mais tu comprends, c'est pas toi, c'est nous. Donc généralement, je m'arrangeais pour kicker hors du club, mais en leur disant, en essayant d'être assez accompagnateur pour leur faire prendre conscience que voilà, c'était dangereux pour eux-mêmes de glisser un peu plus dans le dans l'imaginaire et dans les dédoublements de personnalité, alors qu'ils avaient déjà des gros problèmes à savoir comment ils s'appelaient, quoi. On fait une distinction entre MJ et joueuse, et malgré que chacun ait leur rôle dans une partie de jeu de rôle, est-ce qu'être maître du jeu, c'est pas être un joueur comme un autre ? Alors, t'es un joueur comme un autre, non, je crois pas. Pour plein de raisons, le fait que t'as pas une feuille de personnage, que t'as pas à t'occuper d'un personnage en soi-même. Mais oui, t'es un joueur comme les autres, c'est-à-dire que t'es là pour t'amuser, t'es là pour jouer, t'es là pour t'es au même titre que les autres, t'as le droit de t'amuser et de jouer. Justement, on parlait du fun, parce que c'est le thème du truc, t'as le droit d'avoir du fun comme tout le monde, quoi. Donc autant t'es censé offrir du fun à tes joueuses, autant les joueuses sont censées t'offrir du fun. Donc ne pas te faire chier ou te pisser dans les bottes, et aussi te faire plaisir par du beau jeu, par des bonnes idées, par un minimum de suspension de l'incrédulité, un minimum d'accompagnement et de méta-jeu qui vont dans le bon sens. Faut des fois accepter des présupposés, faut des fois voilà, les joueuses sont censées aller dans le sens du MJ de la même manière que le MJ est censé aller dans le sens des joueuses, enfin ça me semble. Donc tout le monde est joueur, joueuse autour de la table, mais le rôle lui-même à mon avis est fondamentalement différent, enfin en tout cas c'est comme ça que je le joue et que je le vis en tant que MJ, quoi. Ça commence à faire beaucoup de choses à retenir, à mettre en place pour être un MJ qui soit dans la bienveillance tout en restant dans ce rôle de neutralité, pour être un joueur qui va apporter du fun à son MJ. Et comment est-ce que toi, dans ta démarche de création, tu t'empares de ces sujets-là ? Et tu parlais d'Apocalypse World tout à l'heure, qui est un jeu de rôle dont le bouquin est constitué pour moitié de conseils OMJ, en fait. Est-ce que toi, tu essaies d'apporter ça aussi quand tu t'édites un jeu ? Ouais, j'ai essayé. Après, des fois, j'évite de me répéter, donc je l'ai pas forcément remis dans les dans beaucoup de mes derniers bouquins, mais dans les premiers chibi, il y avait pas mal de conseils, de maîtrise. Alors des choses très concrètes, hein, comment mener une enquête, à quoi sert une enquête, comment mener un combat pour que ce soit drôle, fun, intéressant, tactique, etc. Donc je m'attache toujours à des choses assez concrètes, parce que d'abord je suis pas quelqu'un qui conceptualise beaucoup. Pour ça, il faut aller au Lapin Marteau, eux ils sont beaucoup plus forts là-dessus, et, ou aller lire le blog de Sébastien Delfino, qui pareil, conceptualise énormément de choses. À une réflexion beaucoup plus, sans doute beaucoup plus profonde, où je suis pas MJ, mais etc. Enfin, tu vois, c'est des tas de choses comme ça. Il y a des conseils, plein de conseils super utiles. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment une approche, j'ai souvent une approche concrète des. J'ai un problème, comment je vais résoudre ce problème ? Oltray, il est né comme ça. Enfin, les Musards, par exemple, sont dans les Mille Marches. C'est des outils. Deux partages de la narration qui sont nés parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de régler des soucis de rythme de jeu. Les Musards, tu peux rapidement expliquer ce que c'est pour. C'était une série de quelques outils qui étaient dans les règles de Cheap Tales, qui étaient les règles des Mille Marches éditées par John Doe en 2009, si je m'abuse, et qui étaient un ensemble d'outils justement de partage de la narration sur des cartes de péripéties, des règles d'intrusion, des points de plan, enfin des tas de trucs méta qui offraient aux personnages, enfin aux joueuses, la possibilité d'amener des éléments dans le jeu, mais qui étaient en fait une réponse au fait que le MJ peut pas, qu'un seul cerveau, il peut pas tout inventer, quoi. Et donc et comme il peut pas. Et puis il n'a pas toujours les idées, et puis des fois il est fatigué, et puis des fois il n'a pas forcément envie, et puis des fois. Mais donc par exemple sur un voyage, le truc c'est de dire ouais, le voyage est extrêmement dangereux, mais 3 jours plus tard vous arrivez à la ville, du coup le voyage n'a pas été dangereux. Soit le voyage est extrêmement dangereux, et puis on enchaîne 15 combats, et avec les personnages qui arrivent, ils sont été tués, mais ça n'a pas été super inventif. Donc les joueuses ont pour objectif d'aller à la ville suivante, ça les intéresse pas de passer 2 séances à subir des inventions absconses du MJ sous prétexte que le voyage est dangereux, quoi. Par contre, si ça devient un jeu dans le jeu, si les joueuses sont invitées à imaginer des péripéties, à dire ok, je tire une carte, alors j'ai tiré danger, oasis et monstre. Et donc avec ça, il faut que j'imagine un début de péripétie. Alors j'imagine un truc, puis j'explique à tout le monde, oui, alors on arrive à l'oasis, et puis nos personnages se reposent, la journée a été rude, il y a eu beaucoup de soleil, etc. Et puis tout d'un coup on entend des trucs gratter, et on voit quelque chose qui semble jaillir du sable. Et là, il s'arrête, le joueur s'arrête, et il se retourne vers le MJ, puis le MJ prend la main, il fait, bon ok, alors, qu'est-ce que vous faites ? Et donc là, il y a eu une péripétie que le MJ n'a pas inventée, que les joueuses ont amené, qu'on va devoir résoudre. Mais du coup, c'est pas de la perte de temps. Et puis les joueuses vont pas le sentir comme une perte de temps. Ça reste du jeu, c'est fun. Et même s'il nous faut 3 séances pour arriver à la ville, ça aurait été 3 séances où on se sera amusé, quoi. Alors, bon, au bout de 3 séances, il faut arriver à la ville. Parce que sinon on passe une campagne juste à faire le voyage, et ça m'est des fois arrivé justement avec certains sur certains voyages où je savais qu'il fallait X jours pour arriver, et donc on tirait une carte par jour ou 2 cartes par jour, et comme il faut une demi-séance pour résoudre une carte, parce qu'il se passe des trucs, que tout d'un coup il y a des ruines à explorer, que tout d'un coup il y a des rebondissements, on trouve des communautés avec qui il faut parler, où il faut négocier, libérer des otages, faire ceci, faire ça. Donc on se retrouve à avoir une multitude d'aventures qui se déroulent, alors qu'en vrai on veut juste aller à la ville suivante, quoi. Et on se retrouve à passer 3 séances, et au bout de 3 séances, en fait les 5 derniers jours de voyage, on va dire que vous arrivez à la ville, parce que là ça fait déjà 3, on a passé 3 séances à jouer 3 jours, et là maintenant parce que j'ai quand même une histoire à raconter, une campagne à mener, quoi. Et puis si vous arrivez, vous êtes déjà 12e niveau en arrivant à la ville, parce que vous avez level up comme des salauds pendant le voyage, ça va être compliqué pour la suite, quoi. Donc les Musards, c'est un ensemble d'outils qui justement répondait à des questions qui étaient comment je gère, comment je rends un voyage intéressant ou comment je rends une soirée intéressante, parce qu'on peut utiliser le même principe pour la soirée de l'ambassadeur où on doit aller cambrioler un coffre, mais en même temps c'est une soirée chez l'ambassadeur, donc il y a les petits fours, il y a des tas de choses qui vont se passer, il y a une grosse madame qui chante et qui meurt à la fin, il y a etc. Et on a quand même des choses à y faire, mais il faut que ça vive. Alors soit le MJ a inventé toute la galerie de personnages et toutes les trucs, soit il file des cartes où là ce sera pas danger, oasis, monstre, mais ce sera obstacle, majordome, et caisse de vin, tu vois. Et fais un truc avec ça, quoi. Voilà. Donc je ne sais plus quelle était la question originale, mais je pense que j'y ai répondu. C'était la question des outils que tu voilà. pouvais développer dans tes jeux. Mais oui, tu y as répondu. Ça, c'est des outils. Il y a eu des outils dans Ultrae. Il y a plein d'outils en fait qu'on peut mettre en place, qui sont pas forcément des outils purement mécaniques, qui peuvent être juste des conseils, qui peuvent être juste des règles, qui peuvent être juste des trucs à garder à l'esprit. Tu vois, c'est ce que je dis souvent, par exemple sur pour mener les enquêtes. La règle pour mener une enquête, même en improvisant, c'est très facile. Faut juste garder à l'esprit, par exemple, la règle numéro 1, c'est quand une joueuse pose une question, elle obtient une réponse. Toujours. Voilà, c'est juste ça. Mais ça veut dire que, alors ça veut pas dire que la réponse sera automatique, ça veut pas dire que le personnage ne doit pas accomplir des choses pour obtenir la réponse, mais si t'as une question, t'auras une réponse. Et t'auras une réponse qui sera franche, sincère, carrée, enfin, qui sera pas une manipulation. Parce que, comme je dis, c'est déjà assez dur de reconstituer le puzzle. Si en plus on donne pas toutes les pièces aux joueuses, ça peut pas avancer, et donc les joueuses au bout d'un moment elles sont chiées, quoi, parce qu'elles sont là, ah, putain, on n'arrive pas, on comprend rien, on n'a pas les trucs, à chaque fois que je vais dans un truc, je vais fouiller un truc, c'était pas le bon moment parce que j'ai pensé à aller interviewer les clodos du coin, mais en fait j'ai pas interviewé vieux Sam, mais uniquement Bertie Crochu, tu vois, enfin, donc j'ai pas eu les réponses. Non, il faut, tu poses une question, tu as une réponse, et tu as une réponse qui fait avancer le truc, quoi, systématiquement, et c'est hyper important. Et parce que ensuite tu peux mélanger les puzzles, tu peux mettre des pièces en plus, tu peux cacher les pièces, enfin, déjà ils ont pas le motif, donc pour un puzzle, des fois faire un puzzle quand tu as juste le dos et faut juste le refaire à la forme des puzzles, des pièces, c'est compliqué, mais il y a des joueurs qui arrivent très bien, hein, ils voient venir tes trucs à 100 km d'avance, mais putain, t'es censé faire avancer le truc, parce que il faut que tu maintiennes l'attention, il faut que tu imagine Law and Order mais en version jeu de rôle. Le truc où les mecs ils passent, enfin, déjà chaque épisode durerait 4 heures avec les mecs qui tournent en rond, qui posent des questions qui n'ont jamais de réponse, alors que dans Law and Order t'as juste, ouais, il faudrait qu'on aille poser la question à machin, puis là t'as clang clang, et là t'as les deux mecs dans la rue en train de dire, oui, alors vous avez vu machin, oui, je l'ai vu l'autre jour, il faisait ça, clang clang, et là on se retrouve dans le bureau, la récupération d'infos elle a duré 15 secondes, quoi, et les mecs ils ont l'info, tu vois, et on se fout du reste, quoi, et tu vois, et ça c'est pas des règles, c'est pas des mécaniques, mais c'est une règle à suivre, une règle au sens bénédictine, quoi. Enfin, tu suis un ensemble de principes qui doivent normalement te faciliter le boulot de MJ et qui doivent apporter du fun aux joueurs, et voilà. Et à partir de là, tu peux, quand tu suis ça plus deux trois autres trucs, tu peux parfaitement improviser un scénario d'enquête, et un scénario d'enquête dans lequel les joueuses vont s'amuser. Parce que tout d'un coup, ça va être rapide, intéressant, dynamique. Faut juste poser des questions. En fait, le seul truc, c'est, après, ça devient de la responsabilité des joueuses. Posez des questions. Faites des trucs pour obtenir des réponses. Si vous faites des trucs pour obtenir des réponses, vous aurez des réponses. Par contre, si vous restez à vous tourner les pouces en mode, ah, je sais pas trop, faudrait qu'on fasse ça, mais je sais pas, j'ai pas d'idée. Allez, ça avancera pas. Mais ça, c'est plus la responsabilité du MJ. Voilà. On a une dernière question pour toi. Quelle leçon de vie as-tu appris par le jeu ? Wesh. Eh oui. Des leçons de vie, j'en sais rien. C'est plus, j'ai presque tendance à dire, c'est plus la vie qui moi m'a donné des outils pour maîtriser. Alors, c'est plus comme ça que je vois les choses. Après, le jeu de rôle, oui, m'a appris plein de trucs en termes de relations sociales, de savoir gérer les gros cons et les moins gros cons, de garder des copains parce que des fois c'est pas facile, enfin plein de choses. Tu apprends des choses forcément, puisque faire du jeu de rôle c'est vivre. Enfin, quand tu fais du jeu de rôle, même si tu as vécu par le biais d'un personnage ou par le biais de ton univers quand t'es MJ quelque chose de complètement imaginaire, phénoménologiquement tu l'as vécu ton truc, enfin, donc ça fait partie de la vie, enfin, c'est une expérience de vie. Mais c'est vrai que c'est plus j'ai plus tendance à dire que c'est justement mes expériences d'aller voir mon banquier pour négocier des trucs, de discuter avec un tel ou un tel, d'avoir tel problème à régler, ou d'écouter les gens parler de leur boulot et de leurs problèmes dans leur boulot, de suivre des conférences de plein de gens, voilà, d'écouter des tas, enfin de lire des romans, c'est tout ça qui nourrit en fait le c'est plus dans ce sens-là en fait que pour moi ça s'est fait, quoi. C'est-à-dire j'ai l'impression d'être meilleur MJ parce que j'ai suivi les conférences de Lepage, enfin les conférences gesticulées de Franck Lepage, ou les conférences d'Annie Lacroix-Ruy, d'Henri Guillemin, ou de plein d'autres gens, tu vois, ou des émissions sur l'histoire, des audiobooks sur la philosophie, ou l'histoire de la littérature, ou plein de choses. C'est parce que je me nourris de plein de trucs, que je vais voir des films, etc., que j'ai l'impression d'être meilleur dans mon rôle de MJ, quoi. Et d'avoir plus de choses intéressantes à dire, d'avoir des mondes qui sont plus cohérents, qui sont plus logiques et qui échappent éventuellement à des préjugés ou à des... Parce que c'est plus informé, donc on est moins dans le cliché, moins dans le préjugé, moins dans le trope, et on peut commencer à avoir des choses, on peut commencer à maîtriser de manière plus fine, je pense, quand on commence à avoir une éducation... social, politique, économique, etc. Enfin, je parle même pas d'érudition au sens plus large, mais je pense que il faut plus le substrat culturel et important, meilleur MJ on peut être. Et c'est un des trucs qui est intéressant, parce que finalement on se rend compte quand on parle à beaucoup de maîtres de jeu, c'est qu'ils ont une grosse culture. Alors des fois, ils ont l'impression de ne pas avoir de culture parce qu'ils disent « Oh non, mais tu parles de trucs, là, je ne sais pas ce que c'est. » Oui, mais tu as une autre culture. Et puis la culture, ce n'est pas juste la culture dominante, officielle, imposée, venue d'en haut. C'est plein d'autres trucs. C'est plein d'expériences de vie, c'est plein de connaissances sur les milieux sociaux, sur des expériences professionnelles, des expériences de vie diverses et variées, des prises de conscience sur les rapports de classe, sur les rapports de... sur plein de choses, enfin, ouais, la politique c'est super important en fait, pour dire, mais pas que. Et c'est tout ça en fait qui fait une espèce de maelstrom qui nourrit la pratique du MJ et qui lui permet d'être plus bienveillant et moins tyran, je pense, pour revenir à ça. Et c'est plein de fun en fait, et c'est un boulot plein de fun, pour finir. Voilà. Et ben merci beaucoup LG pour cette interview, et on va s'arrêter là. Déjà ? Ouais, déjà, ouais. Ah, ce sera, c'est finalement assez court, mais très riche comme épisode. Je me ferais taper sur les doigts si je ne vous rappelais pas que, chers auditeurs et chères auditrices, que nous avons une page Tipeee au nom de l'association du Studio Dilettante pour financer notre matos de son. Là, vous voyez, en cours d'enregistrement, on est tombé en rade de piles. Et bah, c'est pour ça que vous donnez au Tipeee. C'est pour qu'on puisse acheter des piles. On se dit au revoir pour aujourd'hui. Au revoir. Merci LG et merci Clem. Merci à vous. Bah, merci à vous. J'ai aussi une page Patreon, hein, si vous voulez, pour financer les trucs gratuits que je mets en ligne. Voilà. À bientôt, et d'ici là, amusez-vous bien et jouez beaucoup.